Space Party. Le cauchemar ne fait que commencer. Party avec le concours de USA Import à Lille et de Disco Parnasse à Paris. Salut bande de Boufoukesh, le commandant Cocteau, COCTO à bord du 15e Space Party. Space Party, truc. Le Space Party, c'est tous les samedis soirs sur Énergie entre 1h et 2h du matin. Le Space Party, c'est plus fort que des attouchements furtifs. Le Space Party, c'est plus fort que la caravane 36 places des Gypsy Kings. Le Space Party, qui a réellement compris? La peau compris. Avec dans la première session du non-stop, Mobigo, Jarvik 7, Shaman, Impure Base Building, Ramirez, Liquid, Joe Bogart, Danub Dance. Et alors là, le mec se lève, entre dans l'ascenseur, puis ressort et revient s'asseoir à sa table. Un silence lourd envahit la salle. Au loin, gronde l'orage, menaçant de gros nuages noirs qui auraient dû s'amonceler. Mais hélas, il fait beau. Tout à coup, le désarroi le plus complet ne se lit que sur aucun visage. Mais alors là, virgule, ou plutôt, une nappe. C'est une nappe. Pas une virgule. C'est bien une nappe. We'll be right back. he goes by the name of Ebenezer Good. His friends call him Easer and he is the main geezer. And he vibe up the place like no other man could. He's refined, he's sublime, he makes you feel fine. They're very much maligned and misunderstood. But if you know Easer, he's a real crowd pleaser. He's ever so good, he's Ebenezer Good. You see that he's mischievous, mysterious and devious. When he circulates amongst the people in the place, once you know he's fun, the summit of a genius. He gives a grin that goes around face to face to face. Backwards and then forwards and then backwards. Easer is a geezer, he loves to muscle in. That's about the time the crowd has shouted the name of Easer. He just contrived in the corner laughing by the base bin. Ha ha ha! ritmo más bueno, más bárbaro. We'll be right back. tout à l'heure, la série Slow. Ici Jean-Claude Bourré. Ces êtres étranges venus d'une autre planète. Space Party, dites oui aux ovnis. Space Party. Énergie, le Space Party sponsorisé par Bourré & Co. Oui, c'est le seul Jean-Claude à nous soutenir dans notre délire. Les ovnis existent vraiment ? Demandez de la part de Cocteau pour Jean-Claude. Deuxième saison du non-stop, RML featuring Michel Bourré. Parle-moi de ma mère, Fiction, Phénomania, Liquide et tout électron. Welcome! Michel Sardou à Bercy. Mais ce n'est pas tout! We'll be right back. Party. Essuyez vos pieds avant d'entrer dans l'OVNI. on ecstasy. c'est une chanson. Chanson qui nous ressemble, toi qui t'aimais et je t'aimais, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi, big problème. Énergie, le 15e Space Party s'achève, mais il n'y a pas eu de série slow. Il n'y a pas eu de série slow. Dis donc, sale bœuf, ça sert à quoi les slow? Bah, ça sert à draguer la meuf, elle est greluche là. As-tu besoin de slow pour engager un processus érotique? Non, tais-toi alors. Il va falloir attendre une semaine avant de courir nu après une licorne éventrée, avant de nous gratter les cheveux plats de neige, avant de nettoyer le divan plein de vomi. Le commandant Cocteau, c'est OCTO dans la radio, vous salue. Pour le Space Party, vous pouvez m'envoyer une petite douceur à Énergie 39 avenue Diana 75 116 Paris, ou bien par le biais du Minitel 3615, code Énergie, boîte lettres Cocteau, c'est OCTO dans la radio. Et dans la semaine, essayez de vous extérioriser en criant Space Party, je sais pas, dans les endroits publics, à la poste, au supermarché, en cours de philosophie. Vous allez voir, ça fait un effet bœuf. D'ici la semaine prochaine, sachez, la musique adoucit un cœur, tant soit-il dur. Mais pour l'instant, ah, l'heure du grand choc. Non. C'est vraiment l'heure du grand choc, écoutez. Ça, ça... c'est pas un choc classique. C'est quand même, c'est pas un choc de base. C'est le grand choc.